بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد Donc on va continuer, Inch'Allah, sans plus attendre, sur l'explication des règles ou la lecture et l'apprentissage des règles exemplaires concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sayyidina Allah azza wa jal, al-ikhlasa fil qawli wal amal. Donc on continue toujours sur l'apprentissage des règles qu'a mentionné le grand savant Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen. Et dans la dernière règle qu'on a étudiée, en l'occurrence la cinquième règle concernant le fait que les noms d'Allah Azza wa Jal, les noms d'Allah sont ce qu'on appelle tawqifiyya. Sont tawqifiyya, c'est-à-dire on se limite au texte. On se limite au texte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place à la raison. Il n'y a pas de place à la raison dans le domaine des noms sublimes d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas attribuer des noms à Allah Azza wa Jal ou nommer le Créateur par des noms que lui-même ne sait pas attribuer et dont il ne sait pas nommer par cela. Et donc, le croyant, le musulman, apprend que Al-Asma, comme dans cette règle, comme le savant, le shir, nous l'enseigne, sont tawqifiyya. Tawqifiyya, donc dans cela, dans les assises précédentes, on a bien mentionné le sens de tawqifiyya et on a parlé de cela et l'auteur avait mentionné deux versets. On avait expliqué le sens ou traduit l'interprétation de ces deux versets avec l'explication à cela qu'a donné Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, l'auteur du livre. À savoir que le fait, la pensée ou la croyance que Asma'ullahi Azza wa Jal sont tawqifiyya, qu'on se limite au texte et qu'il n'y a pas de place à la raison humaine dans le domaine des noms d'Allah Azza wa Jal, ça c'est la doctrine des gens de la Sunna. Ça, c'est la doctrine des gens de la Sunna. Et les gens de la Sunna, les grands savants, les partisans de la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, depuis les premiers temps, s'accordent pour dire que Asma'ullahi Azza wa Jal sont tawqifiyya. Jusque aujourd'hui, jusqu'aux savants contemporains, min ahli sunnati wal jama'a, s'accordent pour dire que Asma'ullahi Azza wa Jal sont tawqifiyya wa huwa madhhabu ahli sunnah wa huwa مذهب أهل السنة ولذلك ذكر المؤلف الأدلة على ذلك من الكتاب والعقل. C'est pour cela que l'auteur du livre, lui, il a mentionné les preuves concernant cela. Il a mentionné les preuves dans le livre et des preuves aussi rationnelles, des preuves textuelles, comme il a mentionné dans son livre des preuves rationnelles prouvant que les noms d'Allah Azza wa Jal, on se limite au texte, on se limite au texte. Tandis que l'avis que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas forcément, on ne se limite pas forcément au texte, ne sont pas comme on appelle en arabe tawqifiyya, ça c'est la doctrine des Mu'tazila. Ça c'est la doctrine des Mu'tazila qui contredisent la doctrine des gens de la Sunna. La doctrine de vérité des gens de la Sunna concernant cela. Wa huwa qawlul Mu'tazila. وقيل أنه مال إليه الباقلاني. الباقلاني, dans les siècles précédents, faisait partie de grands savants connus, al-Baqilani. Il est rapporté que le Baqilani aussi penchait vers cet avis, l'avis des Mu'tazilites, la doctrine Mu'tazilite concernant cela. وهو أن أسماء الله أن أسماء الله ليست توقيفية. أي يجوز أن يسمي الله بكل اسم إذا كان متصفا بمعنى ولم يهم نقصا وإن لم يريد توقيف من الشارع. Eux, dans la doctrine des Mu'tazilites, ils considèrent que les noms se limitent pas, les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal se limitent pas au texte. De sorte que cela veut dire que pour eux, il est permis de nommer Allah Azzajal bi kulli ism, bi kulli ism, par tout nom, par tout nom, idha kana muttasifan bi ma'na, tant que il est décrit par le sens de ses noms, tant que Allah subhanahu wa ta'ala, le sens de ces noms-là, ne nie pas ce qu'Allah s'est attribué ou dont il nous a informé à son sujet dans le Coran. Et ils disent, et tant que cela aussi ne sous-entend pas ou ne fait pas allusion à une déficience, à une diminution, ce qu'on appelle un naqs. Alors ils disent, tant qu'il y a ces conditions-là, ils considèrent dans cette doctrine qu'on peut nommer Allah Azza wa Jal par autre nom. Par autre nom, même s'il ne s'est pas forcément nommé par cela, même s'ils ne sont pas forcément nommés dans Ash-Shara, dans les textes. Dans les textes. Or, cette doctrine, ce n'est pas la doctrine des gens de la Sunna. C'est pour ça que les gens de la Sunna ont défendu le fait, et l'auteur, il mentionne cette règle, que Asma'ullahi Azza wa Jal sont tawqifiyya. On comprend bien que si l'auteur mentionne cela, et si vous retrouvez cette question mentionnée dans des livres, lorsque vous ouvrez des livres de dogmes et de croyances, vous allez voir que les savants mentionnent cette question en traitant la question est-ce que les noms d'Allah sont tawqifiyya ou non. On comprend bien, c'est pour enseigner aux gens le bien et pour ne pas sombrer dans la doctrine de ceux qui ne considèrent pas que les noms d'Allah azzawajal sont tawqifiyya, ce qui sous-entend que ça a été dit. Et donc vous retrouvez cela dans, à travers la doctrine des Mu'tazilites. Vous trouvez une troisième doctrine concernant cette question-là. Est-ce que Asma'ullahi Azzawajal sont tawqifiyya? Vous retrouvez une troisième doctrine. La doctrine de ce qu'on appelle, enfin un troisième avis, ou croyance dans cette question, At-tawakkuf. Ceux qui se sont abstenus. Tawakkafu. Ils se sont arrêtés. C'est-à-dire, ils n'ont pas émis de position ou d'avis sur la question. Tawakkafu. Wa'adam al-jazm bit-tahrim wal al-jawaz. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ni ils ont dit que c'était permis, ni ils ont dit que c'était interdit. Ils se sont pas prononcés, en quelque sorte, sur la question. Wa'awa qawl al-imam al-haramayn. Et c'est le qawl, c'était la vie, ça, ce qui rapportait la doctrine d'un grand imam qu'on appelait imam al-haramayn. Imam al-haramayn. Et un grand savant Zarkashi, il mentionne aussi cet avis-là, al-tawakuf, cette doctrine, al-imam al-baqilani. Al-imam al-baqilani. On a dit, deux choses sont rapportées de lui, la doctrine du fait qu'il a penché vers la doctrine des Mu'tazilites sur cette question-là, mais aussi les rapportés de lui, fi hadin masala, cet avis-là de at-tawakuf, de ne pas se prononcer. Donc ça, c'est ce que vous pouvez retrouver dans certains livres concernant différentes doctrines. Sauf que l'avis des gens de la Sunna, l'avis des imams de la Sunna et des grands imams depuis les premières générations jusqu'à aujourd'hui, ceux qui adhèrent à la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a considèrent, ça fait partie du dogme, que Asma'ullahi Azzawajal sont tawqifiyya, c'est-à-dire on se limite au texte. On ne peut pas nommer Allah Azzawajal par autre nom que lui-même s'est nommé. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, cela a le sens que la raison humaine n'a pas de place dans cela. C'est pour ça que Ash-Shaykh Ibn al-Uthaymeen, tellement cette question est importante, et c'est une question essentielle, il la mentionne comme la cinquième règle. Fanasa Mazar Kashi, fi sharh jam' al-jawami' ila al-baqilani at-tawaqquf aydan, fal'alla lahu fi al-mas'alat qawlayn. Qawlayn. Et c'est ce qu'on retrouve. Vous retrouvez dans certains livres un débat qu'il y a eu entre le grand imam, le grand savant, Abul Hassan al-Ash'ari et son cheikh. Un grand débat justement sur cette question, sur les noms d'Allah Azza wa Jal. En l'occurrence, dans ce débat, il y a eu une question liée au nom d'Allah Azza wa Jal, il y a eu d'autres questions liées à la croyance dans ce débat, qui ont été traitées plutôt dans le débat entre l'imam Abul Hassan al-Ash'ari et son cheikh. Et son cheikh. Et certains même disent que, certains rapportent, que c'est à partir de ce débat que l'imam Abul Hassan al-Ash'ari ensuite est revenu. Est revenu de la doctrine des Mu'tazilites. Puisqu'on a dit, le grand imam Abul Hassan al-Ash'ari a eu différentes étapes dans sa vie. On a dit, la première étape de sa vie, le fait qu'il a adhéré à la doctrine des Mu'tazilites. On a dit, et cela pendant une quarantaine d'années. Pendant une quarantaine d'années, jusqu'à ensuite, il est revenu sur cela. Il est revenu sur cela et a quitté la doctrine des Mu'tazilites. Il est rapporté que parmi les causes, ce débat qu'il a eu avec son cheikh. En l'occurrence, son cheikh, c'était un célèbre cheikh qui s'appelait Abu Ali al-Jubba'i. Abu Ali al-Jubba'i, qui en son temps faisait partie des leaders et des grandes têtes de la doctrine des Mu'tazilites. En ce temps, un des grands imams chez les Mu'tazilites. Et lui, Abu Ali, qui s'appelait Abu Ali Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Salam al-Jubba'i. Il était connu comme étant Abu Ali al-Jubba'i. C'était le cheikh, justement, de Abul Hassan al-Ash'ari. C'était son cheikh. Certains mêmes historiens disent qu'il était marié avec sa mère. Et donc, de tout jeune, il a appris avec lui. C'était son cheikh. Et donc, il a appris l'ilm avec lui. Jusqu'à ce que l'imam Abul Hassan al-Ash'ari tabahara fil ilm. Jusqu'à ce qu'ensuite, il a atteint un haut niveau de ilm, de savoir et de compréhension. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, sur certaines questions, il débattait. Du fait qu'il n'adhérait pas ensuite, n'était pas convaincu des réponses de son cheikh. Et ça, on le revoit dans un célèbre débat qui était rapporté où différentes questions étaient traitées et où lui, Abul Hassan al-Ash'ari, il interroge son cheikh, Abu Ali al-Jubba'i. Il interroge sur des questions. Et enfin, dans une question, comme il est mentionné, une question liée Al-Asma qui sont tawqifiyah. Pourquoi ? Parce qu'il est rapporté وَمِنْهَا هَذِهِ الْمَسَلَةِ فَقَدْ كَانَ أَبُ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِ يَرَى أَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَوْقِفِيَّ بِخِلَافِ شَيْخِهِ الْجُبَّائِ. Et pourquoi ? Parce qu'il est rapporté que Abu al-Hasan al-Ash'ari lui considérait, il voyait que les noms d'Allah Azza wa Jal étaient tawqifiyah. Il adhérait à cette croyance-là. Il considérait que les noms d'Allah Azza wa Jal étaient tawqifiyah, qu'on se limite au texte. Et donc, il n'y a pas de place à la raison dans le domaine des noms sublimes divins, des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khilaf shaykhihi Abi Ali al-Jubba'i. Contrairement à son cheikh, comme on l'a cité précédemment, Abu Ali al-Jubba'i. Et donc ça, c'est concernant la question Asma'ullah tawqifiyah. Donc c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir dans notre croyance, c'est que les noms d'Allah Azza wa Jal, on se limite au texte. On ne peut pas nommer Allah Azza wa Jal par autre nom que les noms par lesquels il s'est nommé, subhanahu wa ta'ala, ou le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna authentique, a nommé le pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire les noms qu'on retrouve dans la sunna authentique. Et ce chapitre-là, c'est très pertinent que, ou plutôt cette règle-là, c'est très pertinent que l'auteur a mentionné cette règle. Ensuite, il va mentionner la sixième règle. Qu'il ait mentionné cette règle et qu'ensuite il mentionne Al-Qa'idatu Sadisa. Et on va passer à un nouveau chapitre, c'est-à-dire à une nouvelle règle. Donc la règle était concernant le fait que les noms sublimes d'Allah Azza wa Jal sont tawqifiyah, comme on l'a cité précédemment. Al-Qa'idat wa hada madhhabu ahli sunnah. On a dit ça, c'est la voie et la doctrine des gens de la sunnah. La sixième règle, l'auteur nous dit Asma'ullahi ta'ala ghayru mahsura bi'adadin mu'ayyana. Bi'adadin mu'ayyana. L'auteur dit dans la sixième règle, il va nous enseigner une base essentielle concernant notre croyance au nom d'Allah Azza wa Jal, que les noms d'Allah Azza wa Jal ne se restreignent pas sont pas restreints à un nombre précis. Sont pas restreints à un nombre précis. Comme cela est dit en traduction, les noms d'Allah se limitent pas à un nombre défini. Un nombre défini. L'auteur nous dit, لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتاب أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك الحديث رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح. En effet, on peut lire dans un célèbre hadith, l'auteur dit, donc regardez après qu'il nous mentionne la règle, la sixième règle, les noms d'Allah Azza wa Jal, exaltés soient-ils, ne se limitent pas à un nombre défini. C'est ça qu'on va apprendre. C'est-à-dire, on va apprendre, on a appris déjà, que Allah Azza wa Jal a 99 noms. Mais est-ce que les noms d'Allah Azza wa Jal se limitent à 99 noms? Ou bien, il y a d'autres noms. Du fait, s'il y a d'autres noms, donc est-ce que les noms d'Allah Azza wa Jal se limitent à un nombre défini, à un nombre précis, ou non? C'est ça qu'on va étudier dans ce chapitre, c'est-à-dire à travers l'étude de ce chapitre. Et l'auteur cite, pour cela, il dit en commençant l'explication dans ce chapitre, il dit, en effet, on peut lire dans un hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith célèbre, As'aluka bi kulli ismin huwa lak, samayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Le prophète dit, je te demande. Ça c'est dans une invocation célèbre du prophète sallam, où il dit, je te demande par tous les noms avec lesquels tu t'es nommé. C'est-à-dire que le prophète sallam implorait Allah azza wa jalla, invoquait son Seigneur par les noms par lesquels son Seigneur s'est nommé. Donc il dit, je te demande par tous les noms avec lesquels tu t'es nommé, ou que tu as descendu dans ton livre. Je te demande, je t'implore, par tous les noms par lesquels tu t'es nommé, sa traduction de « Sammeita bihi nafsak au anzaltao fi kitabik » ou bien que tu as descendu dans ton livre. « Au allamtao ahadan » min khalqiq, ou bien que tu enseignais à l'une de tes créatures. Ou ista'tharta bihi fi ilm al-ghayb indak, ou bien que tu as gardé secrètement auprès de toi. Donc ça c'est un doa immense, et ensuite on va voir dans l'explication, Shir va l'expliquer dans l'explication. Là on est dans le texte de ce que mentionne Shir. Il dit, وهذا الحديث رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح. Ce récit-là, il est rapporté par l'imam Ahmed, il est rapporté par Ibn Hibban, il est rapporté par le Hakim, et il est considéré comme authentique. Ensuite, il dit, وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. ولا لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. Et il dit, الشيخ, que, ensuite il dit, il est impossible pour qui que ce soit de dénombrer ou de connaître ce qu'Allah n'a pas révélé. Vous avez vu, et là, il sous-entend la dernière partie lorsque le prophète dans le Dora a dit, et que tu as gardé secrètement auprès de toi. Vous avez vu cette partie? Que tu as gardé secrètement auprès de toi. Cheikh dit, il est impossible pour qui que ce soit de dénombrer ou de connaître ce que Allah Azza wa Jal n'a pas révélé. Ce qu'il n'a pas révélé. Pourquoi il dit ça, Cheikh? Parce que ce que tu as gardé, dit le prophète Hassan, lorsqu'il invoque, ce que tu as gardé secrètement auprès de toi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne l'a pas révélé. Puisque le prophète dit, et je te demande par ce que tu as gardé secrètement auprès de toi. Puisqu'il dit, je te demande par tous les noms par lesquels tu t'es nommé, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien ce que tu as gardé secrètement auprès de toi. Ce que Allah Azza wa Jalla a gardé secrètement auprès de lui, c'est qu'il ne l'a pas révélé. Et là, regardez ce qu'il dit. Donc il est impossible pour qui que ce soit de dénombrer ou de connaître ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas révélé. Ensuite il dit وَأَمَّا قَوْلُهُ إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ دَخَلَ الْجَنَّةِ فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة أن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ونحو ذلك أو نحو ذلك. إذن فما معنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة؟ وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبله وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتهم للصدقة أعددتهم للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عن تعيينها ضعيف، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثي. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثي. وقال ابن حجر في الفتح الباري ليست العلة عند الشيخين يعني البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل اختلاف فيه واضطراب وتدريسه واحتمال الإدراج. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كتاب الله تعالى الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول الآخر والظاهر الباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الخفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق إلى آخر الأسماء كون فا إن شاء الله سنذكرها فيما يأتي إن شاء الله. Donc j'ai commencé à avancer dans la lecture du texte en arabe pour qu'on puisse prendre en même temps le commentaire. Donc là, j'ai commencé à avancer. J'ai lu jusqu'à où que l'auteur, puisque c'est dans ce chapitre que Cheikh Mohammed ibn Azaymin, il va rapporter tous les noms qu'il a trouvés. Il va recenser, il va rapporter les 99 noms. Il va les citer les 99 noms. Il va faire une recherche, mashallah, approfondie dans le Coran et dans la Sunna du prophète. Donc il va... Tous les noms qui sont mentionnés dans le Coran, il va les mentionner, ainsi que dans la Sunna du prophète, ensemble, il va trouver 99. Il va trouver les 99, selon ensuite ce que lui voit authentique dans la Sunna du prophète, ensemble. Donc lui, après cette observation, il va citer dans ce chapitre les 99 noms qui nous ont été révélés, du Créateur qui nous ont été révélés. Donc vous avez vu, c'est un chapitre qui est immense. Là, on va apprendre les noms d'Allah Azza wa Jal, en sachant qu'il y a un texte que mentionne l'auteur ici, dont le prophète nous dit, celui qui les apprend, il rentre au paradis. Les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très pertinent, pourquoi? Parce que l'auteur mentionne ce récit pour dire, mais cela ne veut pas dire qu'Allah en a juste 99. C'est ça qu'on va apprendre à travers l'étude de ce chapitre. Là, on a lu, je vous lis la traduction relative, et on va essayer de commencer le commentaire, puisque lui-même, l'auteur de ses propos, Cheikh Ibn Uthaymeen, va commenter. Il va bien nous expliquer cela. Donc après qu'il ait dit, il est impossible pour qui que ce soit de dénombrer ou de connaître ce qu'Allah n'a pas révélé. Quant à cette parole du prophète, Allah possède 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les apprend entrera au paradis. Elle n'indique pas que ces noms sont limités à ce nombre. Si le prophète avait voulu signifier qu'Allah possède seulement ces noms, il aurait dit « Les noms d'Allah sont au nombre de 99 noms, celui qui les connaît entrera au paradis. » Ainsi, la signification du hadith est la suivante. Celui qui connaît ces 99 noms entrera au paradis. Quant à la proposition « Celui qui les connaît entrera au paradis », elle vient compléter celle qui l'a précédée. Elle n'est pas indépendante. C'est comme si on disait « Je détiens 100 dirhams et je voudrais les donner en aumône. » Cela n'exclut pas que l'on possède d'autres dirhams. D'autres dirhams qui ne sont pas destinés à l'aumône. Aucun hadith authentique du prophète sallam ne détermine ces noms en les désignant. Le hadith que l'on rapporte à ce sujet est déclaré faible. Et il dit, « Wa Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah » dans ses fatawa, il dit, « D'après l'avis unanime des gens versés dans la science du hadith, le prophète sallam n'a pas déterminé les noms d'Allah. Avant cela, il avait dit, « Certes, Al-Walid les a cités d'après certains de ses maîtres du Sham, des savants du Sham, de la région du Sham qu'on appelle Shamiyin, Shamiyin, comme cela a été explicité dans certaines voies de son hadith. Et quant à lui, l'érudit Ibn Hajar a dit, selon les deux sheikhs, Al-Bukhari et Muslim, la défectuosité n'est pas seulement due au fait qu'Al-Walid soit le seul à relater ce hadith, mais également à la divergence à son sujet, au trouble, à la dissimulation, al-tadlis, et à la probabilité d'insertion de paroles inventées dans le texte al-idraj. Tout cela, on va l'expliquer. Tout ce que je suis en train de lire, c'est le matn, c'est le texte, c'est l'écrit de Shir, mais ça va être expliqué. On va dire pourquoi il parle de cet homme qui s'appelle al-Walid. De cet homme dont Shir Sam Temia a fait allusion en disant, certes al-Walid les a cités d'après certains de ses maîtres du Shem. Quant à cela, elle a été explicitée dans certaines voies de son hadith. Donc il parle d'un homme qui s'appelle Al-Walid, et donc Al-Hafid ibn Hajar dit que les deux shir, Al-Bukhari et Muslim, selon les deux shir, la défectuosité n'est pas seulement due au fait qu'Al-Walid, cet homme, soit le seul à relater ce hadith, mais également à la divergence à son sujet, au trouble, à la dissimulation. On va l'expliquer, il était connu qu'il faisait du tadlis. Ça a été traduit ici par la dissimulation, mais c'est un peu plus vaste. Et à la probabilité d'insertion de paroles inventées dans le texte. Idraj. Attendu que les hadiths dénombrant les noms par le prophète Sam ne sont pas authentiques, vous avez compris. Là, Cheikh, il rentre dans un autre sujet. Est-ce qu'on a un récit où il y a tous les noms d'Allah Azzawajal? Il y a un récit, mais c'est rapporté par le Walid, sauf qu'ils disent qu'il n'est pas authentique. Ou là, tous les noms sont mentionnés. Mais ils disent dans ce domaine-là, dans ce chapitre-là, la mention de tous les noms d'Allah Azzawajal, des 99 noms, les récits qui sont rapportés à son sujet, vous trouvez des récits où il est mentionné 99 noms. Mais ils ne sont pas authentiques. C'est ça qu'il dit. Attendu que les hadiths dénombrant les noms par le prophète sallam ne sont pas authentiques. C'est-à-dire on a des hadiths qui remontent jusqu'au prophète sallam, enfin des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au prophète Sam, où les 99 noms, il est dit dans ces récits que les prophètes les a mentionnés. Sauf que les savants, après recherche, ont émis une conclusion que ces récits ne sont pas authentiques. Donc on n'a pas, en fait, de récits authentiques où les 99 noms sont mentionnés. Sinon, ça aurait été plus simple. On a le hadith, les 99 noms sont mentionnés par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a que à mémoriser ce hadith pour avoir la mémorisation et l'apprentissage des 99 noms. Sauf que dans ce domaine, vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'on a un hadith où les 99 noms sont mentionnés par le prophète? Oui. Mais ne sont pas authentiques. C'est pour ça qu'ils disent, et Cheikh Sam Temia, ils citent Al-Walid qui les a cités d'après certains de ses maîtres, de ses mashayikh, qui étaient des mashayikh des savants du Shem. Pour ça, on les appelle Shamiyin. Lorsqu'il dit Shamiyin, c'est-à-dire des savants du Shem. Comme cela est explicité dans certaines voies de son récit. Sauf que Ibn Hajar, l'érudit Ibn Hajar, il dit, Selon les deux Cheikh al-Bukhari et Muslim, la défectuosité n'est pas seulement due au fait qu'Al-Walid, celui qui a rapporté ces récits, soit le seul à les relater. C'est pas juste ça, parce que certains disent qu'il n'y a que le Walid qui les relate. Mais ils disent aussi c'est dû au fait à sa divergence à son sujet. Il y a une divergence à son sujet. Et aussi au trouble, la dissimulation de Tadlis, à la probabilité d'insertion et la probabilité qu'il a inséré des propos qui n'en faisaient pas partie. Des propos inventés dans le texte, qu'on appelle idraj. Al-idraj, qu'on verra dans ce qui va suivre. Et ça, c'est mentionné par Al-Hafid ibn Hajar dans Al-Fatr Al-Bari. Et donc, il dit, Shir, attendu que les hadiths dénombrant les noms par le prophète Sam ne sont pas authentiques, les anciens, lorsqu'ils disent anciens, Salaf, les pieux prédécesseurs, ont divergé à ce sujet et les rapportaient d'après eux toutes sortes de dires. Toutes sortes de dires. J'ai donc réuni, vous avez vu, Shir, il présente son travail. Il présente son travail parce que lui, il voulait donner une liste de noms. Il veut donner une liste des 99 noms. Il explique que donc, il n'y a pas de récit authentique sur ça. Sinon, il aurait mentionné un shir le récit. Mais après des recherches, il a trouvé, shir, qu'il n'y a pas de récit authentique dans le sujet. Donc, il dit, regardez, j'ai donc réuni 99 noms que j'ai pu recenser du livre d'Allah et de la sunna de son envoyé. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire, shir? Il va observer dans le Coran, et il va, mashallah, prendre les noms qu'il y a dans le Coran, et il va observer la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et là, ça sera, faudra faire, vous allez voir, il va faire des recherches sur l'authenticité des récits. Pourquoi? Parce qu'on ne peut extraire des noms que à partir de textes authentiques. À partir de textes authentiques. C'est pour ça qu'ensuite, il va mentionner, quand il va confirmer un nom, il va mentionner s'il y a une divergence ou pas sur ce nom. Pourquoi? Parce que sur certains noms, il peut avoir une divergence du fait que certains ne voient pas l'authenticité du récit, ou bien s'ils voient l'authenticité du récit, pas forcément que ça soit un nom divin, un nom parmi les noms d'Allah Azzawajal, il va l'évoquer. Dans tous les cas, lui, il va faire un travail immense de réunir 99 noms qui dit « J'ai pu recenser du livre d'Allah, exalté et la sunna de son messager. » Et moi, j'ai commencé à citer certains noms qu'il a commencé, mais j'ai arrêté ensuite. Pourquoi? Pour laisser ça après. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à lire l'explication de tout ce qu'on vient de dire. On va lire l'explication du shir jusqu'à ce qu'on arrive au nom, puisque là, ça, c'était le matn. Ça, c'était la parole du shir. Fisharh. Donc, on revient au début du chapitre dans l'explication de ce chapitre immense. Dans cette sixième règle, on apprend donc que après qu'on ait appris dans la cinquième règle que les noms d'Allah ils sont tawqifiyya. Maintenant, on n'a plus besoin d'expliciter ça en français. On comprend maintenant le terme tawqifiyya. Et ça, on a dit hada madhhabu ahli sunnah. Ça, c'est la doctrine des gens de la sunnah. Al-Qaidatu Sadisa. Maintenant, la sixième règle, c'est que les noms d'Allah azawajal se limitent pas à un nombre défini ou précis. Selon les hadiths, comme on a mentionné la traduction du récit. Qala al-Sheikh. Donc maintenant, l'auteur dit dans l'explication. Asma'ullahi Azza wa Jal ghayru mahsura bi'adadin mu'ayyan. Donc il dit, en effet, les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont pas limités à un nombre précis. Lian asma'illahi mastathara Allah bi'ilmihi wa mastathara Allah bi'ilmihi la yumkinu al-ihatatu bi. Wa falaysat mi'atan wa la mi'atayn wa la alfan wa la alfayn wa la yajuz an naqul in 'adadaha kadha wa kadha. Donc il dit pourquoi? Parce qu'on a vu dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète a dit, ou bien ce que tu as gardé pour toi. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté dans l'invocation, lorsqu'il invoque Allah en disant, je te demande, par tous les noms avec lesquels tu t'es nommé, ou que tu as descendu dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as gardé secrètement près de toi, traduction relative, ou que tu as gardé secrètement près de toi, Cheikh, il dit, c'est ce dont Allah Azzawajal n'a pas révélé. Donc personne ne peut connaître ce qu'Allah Azzawajal n'a pas révélé. Fallait cette mi'a, ou la mi'atayn. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une centaine de noms, comme on ne peut pas dire qu'il y a 200 noms. Comme il dit, voilà elfayn, voilà elf. Comme on ne peut pas dire 1000, ou bien 2000. Il dit, voilà yajouz. Il dit, cela n'est pas permis. Et il dit, cela n'est pas permis, أن نقول إن عددها كذا وكذا. Lui, Cheikh, il dit, comme les savants disent, qu'il n'est pas permis de dire le nombre des noms d'Allah, c'est tel et tel nombre. Tel et tel nombre. Il dit, cela n'est pas permis. Et la preuve, il dit, les qawlihi sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam, et la preuve, il dit, c'est ce hadith qu'il a mentionné, quand le prophète a dit, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, wa anzaltahu fi kitabik, وَعَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِإِنْ أَوْ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ الْحَدِيثِ. Comme on l'a dit précédemment. Ce hadith qu'on a lu précédemment. Je te demande, par tout nom par lequel tu t'es nommé, ou que tu as fait descendre dans ton livre, ou bien que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé auprès de toi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas révélé. وَهَذَا مِنْ حَدِيثِ وَحَدِيثِ وَهَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ. Et ce hadith-là, il est rapporté par le compagnon Abdallah ibn Mas'ud. C'est le hadith de Abdallah ibn Mas'ud al-Tawil al-Mashhur fi du'a il-Hamm wal-Gham. Ce hadith-là, il est célèbre. À la base, c'est tiré d'un long récit, d'un long hadith concernant l'invocation lors de soucis, lors de problèmes ou de difficultés ou de soucis. Lorsque la personne est accablée par les soucis, ou bien il est touché par des soucis, et ce qu'on appelle el-humum ou el-ghem, par les problèmes, l'angoisse, alors il est dit dans ce récit, selon le hadith de Abdallah ibn Mas'ud, al-tawil al-mashhur fi du'a il-hammi wal-ghem, an al-insan ida asabahu hammun ou ghammun, wa ma akthar al-humum wal-ghumum. فإنه يقول هذا الدعاء الذي رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Cheikh dit, il est rapporté que une personne, lorsqu'elle est touchée par des problèmes, lorsqu'elle est touchée par des soucis, il est dans l'anxiété, il est pris par cela, et Cheikh dit dans le commentaire, et dit, et eux que les gens sont touchés, sont pris par les soucis et les problèmes de la vie. Alors, Abdallah ibn Mas'ud a mentionné ce hadith-là du prophète, même qu'il a appris du prophète, une invocation qu'il faut dire. Lorsqu'on est touché par des soucis, on est en plein problème et soucis, on est dans l'anxiété, l'angoisse, alors, en quelque sorte, période de soucis, de dire cette invocation dans ce nom récit où il est dit qu'on dit, dans l'invocation, « Allahumma inni abduka, ibn abdik, ibn amatik, nasiyati biyadik, ماضٍ في حكمك عادل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Donc, on doit dire ça. Celui qui est touché par des soucis, qui a des problèmes, il est soucieux. Alors, lors de périodes où on est soucieux, alors on dit ce dua, Allahumma inni abduka, ibn abdik, ibn amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, asaluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, أو علمته أحدا من خلقك استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Cheikh, après avoir mentionné le hadith, il dit, والمرأة تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك إن شاءت قالت اللهم إني عبدك بالمعنى العام فإذا دعا بذلك أذهب الله عنه الهم والغم. Et donc il est dit que celui ensuite qui est soucieux et qui est en période de problèmes et de soucis, lorsqu'il dit ce dua, ça va être une cause pour qu'Allah Azza wa Jal dissipe les soucis et les problèmes qu'il a. Dissipe ces soucis-là. Par contre, Cheikh, il dit, La femme, elle, elle dit de cette manière. Pourquoi? Parce que regardez, le début du récit, dans l'invocation, qu'est-ce qu'on doit dire? On commence à dire, pour celui qui est soucieux, Allahumma inni abduk. Ô Seigneur, je suis ton serviteur. Ibn abdik, fils de ton serviteur. Ibn amatik, fils de le féminin de serviteur. Fils de ta servante ou serviteur, mais au féminin. Amatik, de ton esclave, au féminin. Nasiyati biyadik, mardin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, asaluk Allahumma bikullis minhu walak. Là, lorsque, au début du récit, l'invocation commence. Ô Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta ama. Ibn amatik. Là, il dit pour une femme, qu'est-ce qu'elle dira? Elle dira, ô Seigneur, je suis amatouk. Regardez, il dit, pour la femme, elle dira, puisque là, il est dit au masculin. Certes, ô Seigneur, ana abduk, inni abduka, ibn abdik, ibn amatik. Ibn amatik. Là, au lieu de dire ça, elle dira, Allahumma inni amatouk. Amatouk, c'est le féminin de abd. C'est serviteur, esclave, au féminin. Au féminin. Et donc, elle dira, Allahumma inni amatouk, bintu abdik. Bintu, au lieu de dire fils de ton serviteur, elle dit bintu abdik, fille de ton serviteur, bintu amatik. Et la fille aussi de amatik. Donc il dit, elle, la première formule, elle le met au féminin, puisqu'elle est citée au masculin. Allahumma inni abduka ibn abdik, ibn amatik. Elle a dit, Allahumma inni amatuk bintu abdika bintu amatik. Elle le met au féminin. Par contre, ça veut le dire dans le sens général. Ça veut le dire, si une femme, elle invoque, elle a appris cette invocation, elle veut le dire de la manière générale, au masculin. Cheikh dit un peu, la femme peut citer normalement le hadith, comme ça a été dit, elle cite le sens général. Il dit, wa insha'at qalat, si elle veut, elle peut citer le hadith comme il est dit, elle invoque comme cela, elle dit, Allahumma inni abduk ibn abdik ibn amatik. Comme c'est cité dans le récit, elle le dit, pourquoi? Parce que c'est cité comme cela d'une manière générale. Et si elle veut mettre au début de au féminin, elle le met au féminin comme on l'a cité précédemment. وَالشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ. Et donc l'élément illustrant concernant le chapitre, c'est lorsqu'il est dit que le prophète, il a invoqué, « Ô Seigneur, je t'invoque par tout nom par lequel tu t'es nommé, que tu as révélé dans ton livre, que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé auprès de toi. » Que tu as gardé auprès de toi, c'est cette partie-là. Et dit, cette partie-là, là, que tu as gardé auprès de toi, fi ilmi al-ghaybi 'indak. Il est dit dans la science qui nous est cachée à nous, la science de l'invisible, qui est auprès de toi. Wa ma'lumun anna mastathara Allah bi ilmihi la yumkinu al-ihatatu bi wa la yudrak kama hu wa la yudraku 'aynu al-ism fa huwa majhulun kamiyatan wa majhulun bi 'aynihi. Et il dit, ce qui est célèbre, ce qui est clair, c'est que ce qui nous a pas été révélé, ce qu'Allah a gardé, yarhamakallah, qui a gardé auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, ce qui nous a pas été révélé, alors il dit, on peut pas cerner. Ce qui nous a pas été révélé, on peut pas cerner. Et on peut pas concevoir la chose. La chose. On peut pas ni cerner, ni concevoir cette chose. Donc cette chose nous est inconnue. Que ce soit Al-Kamiya, que ce soit la quantité. Par exemple, combien de noms qu'Allah Azzajal a gardé auprès de lui, qu'il n'a pas révélé. On ne peut pas savoir, puisque ça ne nous a pas été révélé. Il les a gardés auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Wa majhulun bi'ayni. Et aussi, les connaître eux-mêmes, ces noms-là, on ne les connaît pas. Allah ne les a pas révélés. Il ne nous a pas donné la connaissance de ça. Donc ni on peut émettre un nombre, ni on peut dire que sont ces noms qu'Allah Azza wa Jal n'a pas révélé. Li anna Allah sta'thara bihi fa lam yattali 'alayha ahad. Pourquoi? Parce qu'Allah Azzawajal les a gardés auprès de lui. C'est-à-dire que personne en a pris connaissance. Personne donc en a la connaissance. Donc si Allah Azzawajal nous a fait connaître 99 noms, et le prophète en somme nous dit qu'il y a des noms qu'Allah Azzawajal a gardés auprès de lui. Ces noms-là qu'Allah Azzawajal a gardés auprès de lui. Est-ce que quelqu'un a la connaissance du nombre? Non. Est-ce que quelqu'un a la connaissance des noms eux-mêmes? Non. C'est pour ça qu'il dit on ne peut pas limiter les noms d'Allah Azzawajal à un nombre bien précis. Ça, on ne peut pas. وقالوا صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك هنا فيها إشكال لأنها تقتضي أن يكون ما بعدها قسيما لما قبلها ولكنه ليس بقسيم بل هو قسم من وعلى هذا يكون الجواب على هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى الواو ويكون التقدير سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وجاءت أو هنا بمكان الواو من أجل الإشعار بالتقسيم أي التقسيم ما سمى الله به نفسه أما أو في قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك فليست بمعنى الواو بل للتقسيم مثل قوله عليه الصلاة والسلام أو علمته أحدا من خلقك Alors pour terminer, Cheikh il dit, en revenant au récit, dans le hadith qu'il a mentionné, lorsque le prophète a invoqué Allah, il dit, et je te demande par tout nom par laquelle tu t'es nommé. Ou, vous avez vu, on peut traduire littéralement en français, c'est sur cela qu'il faut se concentrer, ou, comme il est dit, As-saluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsik, je te demande, je t'implore par tout nom par laquelle tu t'es nommé, ou, anzaltahu fi kitabik, ou bien que tu as révélé dans ton livre. Ensuite, il est dit, ou bien que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures. Ici, il dit le « ou » en arabe. Le « ou ». Il dit « je te demande par tout nom par lequel tu t'es nommé » ou bien, si on traduit littéralement, ou bien que tu as fait descendre, révélé dans ton livre. Révélé dans ton livre. Il dit ici, pour certains, ça pourrait poser un problème dans la compréhension. Ça pourrait poser un problème dans la compréhension. Pourquoi? Il pourrait comprendre que lorsqu'il est dit « Je t'invoque par tout nom par lequel tu t'es nommé » ou bien que tu as révélé dans ton livre, que ça serait un autre genre de nom. Que ça serait un autre genre, en quelque sorte, de nom. Les noms qu'Allah Azza wa Jal par lesquels il s'est nommé et des noms qu'il a révélés dans son livre. Or, il dit وعلى هذا يكون الجواب عن هذا الإشكال أن نقول إن أو بمعنى الواو. Or, il dit le أو c'est dans le sens de واو. C'est dans le sens de واو. Et. C'est dans le sens de et. C'est-à-dire, je t'invoque par tout nom par lequel tu t'es nommé et que tu as révélé dans ton livre. Et que tu as révélé dans ton livre. De sorte, il dit, ويكون التقدير سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. Donc il dit, ça sous-entend que le sens, comment faut le comprendre? Je t'invoque par tout nom par lequel tu t'es nommé et que tu as révélé dans ton livre. Que tu as révélé dans ton livre. قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك وجاءت أو هنا بمكان الواو من أجل الإشعار بالتقسيم أي التقسيم ما سمى الله به نفسه. C'est pour ça, regardez dans la traduction du récit, ils ont traduit de cette manière, je te demande par tous les noms avec lesquels tu t'es nommé ou que tu as descendu dans ton livre ou que tu as descendu dans ton livre. On pourrait traduire aussi et que tu as descendu dans ton livre. Ensuite, il dit Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman hadhihi jumlatun mu'akkada. Hadhihi jumlatun mu'akkada bi inna wa akkada al'adad bi qawli mi'atan illa wahidan. Wa illa fa min al-ma'lum anna 99 hiya mi'atun illa wahida. لكنه أتى بهذه صلوات الله وسلامه عليه للتأكيد أن من أحصاها دخل الجنة وإحصاه على ثلاثة أمور حفظها لفظا وفهمها معنا وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها بمقتضى. Ensuite là on va apprendre et ça on développera bien ça dans la prochaine assise. Là maintenant Cheikh il va rentrer dans l'autre récit maintenant. Le récit ensuite qu'il cite lorsque le prophète a dit que Allah appartient 99 noms. Et il est dit 100 moins 1, celui qui les apprend rentre au paradis. Celui qui les apprend rentre au paradis. Dans une traduction littérale. Il dit cette phrase-là lorsqu'il est dit Allah appartient 99 noms. Ou Allah possède 99 noms. Hadi jumlatun mu'akkada. Bi inna wa akkada al-adad bi qawlihi. Donc là, on voit déjà, premièrement, la phrase, le hadith, c'est une jumla en arabe qu'on appelle mu'akkada. Elle est précédée, vous avez vu, par inna. Inna. C'est ici un tawkid. Akkad al-adad. C'est-à-dire que ici, il y a une confirmation du nombre. C'est pour ça qu'on traduirait par certainement. Certainement, Allah possède 99 noms. Il y a une confirmation du nombre. Allah possède, détient 99 noms. وإلا فمن المعلوم أن 99 هي مئة إلا واحدة مئة واحدة لكنه أتى بهذه صلوات الله وسلامه عليه للتأكيد أن من أحصاها دخل الجنة. Et dans le récit il est répété 100 moins 1. Certes Allah détient 99 noms et il est répété 100 moins 1. Pour confirmer le fait il dit que من أحصاها دخل الجنة et celui qui les apprend il rentre au paradis. Sauf que le terme en arabe qui est mentionné, qu'on traduit par celui qui les apprend, qu'on pourrait traduire littéralement celui qui les recense ou une autre traduction, ce qu'il faut savoir c'est que le irsa ouha, ça s'est traduit d'une manière littérale ou approximative, sinon l'explication de l'irsa, les savants l'expliquent avec trois choses. Hifdoha lafdan, c'est-à-dire, premièrement, pour faire l'ihsa de ces noms, de ces 99 noms, et rentrer au paradis, donc ça sous-entend trois choses, l'ihsa. Premièrement, les apprendre, les mémoriser. Deuxièmement, faire muha ma'nan, comprendre le sens. Et ils disent, troisièmement, an yuta'abbad lillahi ta'ala bimuqtada, d'adorer Allah azzajal selon les applications de ces noms. C'est-à-dire, ihsa ouha dal hadith, ça sous-entend ces trois choses-là. Et lui, Cheikh, il va reprendre ces trois choses. Il va dire al-awwal. La première, an yahfadha lafdan wa yudrikaha wa yu'iddaha fa yaqra Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum ar-rahman ar-rahim. Donc il dit, la premièrement, comme on a dit, c'est de les apprendre. C'est d'apprendre ces noms. An yahfadha lafdan avec le lafz. Comme par exemple, on apprend le verset Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum ar-rahman ar-rahim. Là, ça, il y a des noms d'Allah Azza wa Jal. Al-thani an yafhamaha ma'nan li'anna man qara'aha wa lam yafham ma'naha fa huwa kal-a'jami yaqra'u al-arabiyya wa la yadri ma hiya wa la yastafid wa la yaksibu al-qalbu imanan. Deuxièmement, pourquoi le Cheikh dit il doit les comprendre. Il les apprend et les comprend. Pourquoi ? Parce qu'il dit لِأَنَّ مَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَفْهَمْهَا. Parce que celui qui les lit et qui ne les comprend pas, il est comme l'Ajami. L'Ajami, c'est qui ? C'est les étrangers, les non-arabes. Lorsqu'on dit l'Ajami, et là c'est le pluriel, l'Ajami, c'est les non-arabes. Les non-arabes. Ils disent les non-arabes, eux, يَقْرَأُوا الْعَرَبِيَّ وَلَا يَدْرِي مَا هِيَّ. Ils disent les non-arabes, eux, ils lisent l'arabe, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, souvent. Souvent, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Wala istafid. Et ne profite pas des sens. de ce qu'il lit parce que là, il ne comprend pas. Et wala yaksibu al-qalbu imanan. Et donc son cœur ne, ça ne va pas. Son cœur n'ira pas d'obtention de foi, de iman, parce que ce qu'il lit, il ne le comprend pas. Et il dit, c'est pour ça que la deuxième condition est importante, elle ferme. Les apprendre et comprendre ce qu'ils veulent dire, c'est non. Pas juste un apprentissage, dire Ar-Rahman, il ne sait pas qui est et qu'est-ce que le sens de Ar-Rahman. Il dit Ar-Rahim, il sait ce que veut dire Ar-Rahim. Il apprend Al-Hakim, il sait ce que veut dire Al-Hakim. Al-Khabir, Al-Alim, Al-Wadud, Al-Jabal, Il-Akhiri, Min Asma'illah, Subhanahu wa ta'ala, Al-Husna. Et troisièmement, pour terminer, on termine sur ça. الثالث من كمال ذلك أن يتعبد لله أن يتعبد لله بمقتضاها فمثلا إذا علمت أن الله سميع فإنك تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم والصفة فلا تقول إلا خيرا لأنك إذا قلت أي كلمة سمعها الله سبحانه وتعالى إذا علمت بأن الله بصير فإنك لم تفعل إلا خيرا لأن الله يراك. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان بأن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك وكذلك من إحصائها أن تدعو الله بها لأنه تعالى أمر بذلك. Et donc pour terminer, il dit troisièmement, c'est d'adorer Allah selon les implications de ses noms. C'est-à-dire selon les implications. Qu'est-ce que ces noms du Créateur impliquent ? مثلاً, il te dit par exemple, إذا علمت أن الله سميع, parmi les noms d'Allah, il y a السميع. Il dit, si tu sais que Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, il y a السميع, celui qui entend tout, l'audient. Dans le sens, il entend tout. Alors il dit, قلت أي كلمة سمعها الله سبحانه وتعالى فإنك تتعبد لله بمقتضى هذا الاسم والصفة. Donc il dit, toi tu vas adorer Allah Azza wa Jal selon ce nom et ce qu'il implique ou dénote, ou plutôt induit comme attribut. Donc toi tu vas adorer Allah Azza wa Jal selon ça, selon les implications de ce nom. Tu sais qu'Allah il est Samia, il entend tout. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal il entend tout, alors ça va te mener à ne dire que du bien. Ça va te mener à dire que du bien. C'est comme cela, tu adores Allah Azza wa Jal par les implications de ses noms. Ça veut dire ça. Par exemple, tu sais qu'Allah Azza wa Jal est celui qui entend tout, alors tu vas faire en sorte que de dire ou de proférer que des paroles de bien. Pourquoi ? Parce que tu sais les annaka idha qulta ay kalimatin sami'aha Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais que ce que tu profères comme parole, Allah Azza wa Jal les connaît, les entend. Et donc il en a la connaissance. Et toi tu sais qu'Allah les entend. Pourquoi ? Parce que tu as appris qu'Allah huwa as-sami'. Et donc as-sami' lahu sifat as-sam'. Lahu sifat as-sam'. Il dit par exemple, tu sais qu'Allah Azza wa Jal huwa al-basir. Allah parmi ses noms, le clairvoyant. Celui qui voit tout, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui échappe. Alors, fa'innaka lam taf'al illa khayran. De ce fait-là, tu vas adorer Allah par les implications de ce nom, du fait que tu ne vas faire que du bien. Tu vas t'efforcer de faire du bien. Pourquoi ? Li'anna Allah yarak. Parce que tu sais qu'Allah te voit. Vous avez vu ? Le fait d'apprendre d'abord le nom, de le comprendre et d'œuvrer selon les applications de ce nom. C'est les trois choses. Et celui qui donc apprend les 99 noms connus d'Allah Azza wa Jal, il rentre au paradis. Man ahsaha, le terme en arabe qu'il faut apprendre, man ahsaha. Man marna ahsaha, hafidaha, wa fahimaha, wa ta'abbada lillahi Azza wa Jal bimuqtadaha. Bimuqtada, c'est les trois choses. Et donc il dit, comme cela, on comprend l'explication de la parole de l'excellence. L'excellence, la bienfaisance, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et sache que si tu ne le vois pas, lui te voit. Voilà. Et il dit, pour terminer, وَكَذَلِكَ مِنْ إِرْصَيْهَا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِهَا لِيَنَهُ تَعَلَىٰ أَمَرَ بِذَلِكَ. Et dernièrement, il dit, et fait partie aussi de l'Irsa, que tu l'invoques par ces noms-là. Tu l'invoques par ces plus beaux noms. وَاللَّهُ أَعْلَمُ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله prochaine assise on continuera. Là mashallah on a avancé aujourd'hui, on a un peu avancé, on continuera إن شاء الله dans la prochaine assise. بحول الله جل وعلا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم. Mm.